Ad Astra Per Aspera, par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima ? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Ad Astra, le nouveau film de James Gray. Décrivez du mieux que vous le pouvez votre état mental et émotionnel actuel. L'espace comme vous ne l'avez jamais vu. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même. Une odyssée spatiale fascinante, avec Brad Pitt. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt ? Ad Astra, présenté en compétition à la Mostra de Venise, le 18 septembre au cinéma. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le récit d'un duel épique entre deux des plus grandes figures de l'histoire de l'athlétisme, l'Américain Carl Lewis et le Canadien Ben Johnson. Entre 1984 et 1988, Lewis et Johnson sont les hommes les plus rapides du monde. À chacune de leurs confrontations, sur l'épreuve reine de la course à pied, le 100 mètres, ils affolent les chronos, récoltent les médailles. Leur rivalité tient en haleine de public autant qu'elle fascine les commentateurs. Lors des JO de Séoul, en septembre 88, on s'attend donc à une lutte sans merci entre les deux hommes pour obtenir l'or olympique. Mais sur les pistes d'athlétisme de Corée, rien ne va se passer comme prévu. Et la machine à rêve s'enraye même, lorsqu'on découvre que derrière cette opposition fratricide se cache en réalité un lourd secret, celui d'un combat déloyal dans lequel la dictature du dopage tire les ficelles, et en coulisses bien sûr. Deux héros pour la gloire, l'un de nos deux champions va alors devenir un paria, un pestiféré, un escroc. Et de cette course pour la victoire va naître l'un des plus grands scandales de l'histoire des Jeux Olympiques. Notre invité aujourd'hui, en duplex des studios de France Bleu à Périgueux, l'ancien athlète Bernard Faure, champion de France du marathon en 82, devenu par la suite entraîneur et préparateur physique, il fut aussi pendant 27 ans l'une des voix de l'athlétisme sur France Télévisions. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara et Alix André Kellerzon, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Vision. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vous êtes sur France Inter, il est 7h30, les informations sont présentées par Christian Bobby. Bonjour, je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de Séoul, célébrant la 24e Olympiade de l'ère moderne. La phrase a été prononcée il y a 3 heures maintenant. Il était 12h30 à Séoul par le président sud-coréen Roh Tae-woo. Les plus grandes Olympiades de l'ère moderne, 160 pays et plus de 9600 athlètes y participent, vont pouvoir commencer. Le coup d'envoi de ces JO 88 a été donné par un formidable spectacle multicolore auquel assistait l'un de nos envoyés spéciaux, Jacques Expert. Samedi 17 septembre 1988, Séoul. Assis dans les tribunes du stade olympique, 50 000 spectateurs et 15 000 journalistes venus des quatre coins du monde assistent à un fantastique spectacle pour la cérémonie d'ouverture de JO. Depuis le boycott des 3 précédentes éditions, les Jeux d'été sur fond de guerre froide, Montréal 76, Moscou 80 et Los Angeles 84, le rassemblement de la famille olympique à Séoul charrie les craintes d'un nouveau raté, d'un nouveau boycott. Mais à Séoul, l'inquiétude est balayée par la présence de sportifs venant de 159 pays, un record. Pour se montrer à la hauteur d'un tel événement, la Corée du Sud, dont le territoire est à peine plus grand que le Portugal, et dont le nom évoquait jusqu'ici le conflit qu'elle entretient depuis plus de 30 ans avec son turbulent voisin du Nord, eh bien, cette même Corée du Sud a dépensé sans compter. Séoul, sa capitale, s'est ainsi parée d'un stade olympique gigantesque en béton bleu gris, d'infrastructures ultramodernes et d'un grand village olympique sécurisé, capable d'accueillir les 9000 athlètes et leurs accompagnateurs. Après plus de 2 heures de spectacle, les délégations entrent dans le stade olympique. Pour la première fois depuis 16 ans, Américains et Soviétiques, ainsi que leurs alliés respectifs, défilent le long des 400 mètres de la piste d'athlétisme. Côté tricolore, ils sont 267 à s'être qualifiés pour les JO. Parmi eux, on distingue le visage de l'épéiste Jean-François Lamour, celui du cavalier Pierre Durand. Il y a aussi le sprinteur Bruno Marie-Rose ou encore l'escrimeur porte-drapeau de la délégation Philippe Ribou. Au micro de France Inter, celui-ci affiche sa fierté d'être ici au jeu. Moi, je crois que c'est important de représenter son pays. Je crois aussi que le sport, c'est un des derniers moyens de communication entre les pays, et que de porter le drapeau et de représenter son pays, c'est quelque chose de très beau. Et je crois qu'il faut sortir ça du contexte politique qui est souvent trop utilisé pour le laisser dans le contexte du sport où là, on peut être très fier. Retransmise par plus de 200 chaînes de télé à travers le monde, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Séoul connaît un rayonnement planétaire. Et l'une des raisons qui explique ce déferlement médiatique, c'est la présence parmi les athlètes de deux hommes au profil hors norme. Deux champions du sprint, l'Américain Carl Lewis et le Canadien Ben Johnson. À eux deux, Lewis et Johnson sont les têtes d'affiche des épreuves d'athlétisme. Leur duel sur le 100 mètres est attendu comme l'un des moments les plus intenses de ces Jeux. Alors, chacune des déclarations de l'Américain ou du Canadien est ensuite interprétée, analysée, disséquée avec frénésie par une foule de commentateurs. Et si personne ne sait qui de Lewis ou Johnson prendra l'avantage dans la ligne droite de Séoul, chacun connaît la date de leur confrontation, ce sera dans une semaine. Les premières épreuves commencent dès le lendemain matin, sous le soleil vif et la chaleur moite d'Asie. Le cyclisme sur route et la natation ouvrent le bal. L'occasion pour le public coréen d'admirer l'impressionnante carrure des athlètes venus d'Allemagne de l'Est, à l'instar de la nageuse Christine Otto, une créature ondine au physique masculin. Mais l'attention des journalistes est déjà ailleurs, oui, à quelques centaines de mètres. Dans le village olympique, là où sprinteurs, coureurs de demi-fond et marathoniens poursuivent leur entraînement. Et parmi eux, Carl Lewis et Ben Johnson. C'est par une grande bousculade entre caméramen, fans surexcités et policiers en charge du service d'ordre que les deux athlètes débarquent chacun leur tour à l'aéroport de Séoul. T-shirt d'une grande marque de luxe et coupe de cheveux façon Michael Jackson pour Lewis, crâne rasé, lunettes de soleil et chaîne en or pour Johnson. Chacun des deux est accompagné par une armada d'entraîneurs, de masseurs, d'agents, de porte-parole, d'amis et, bien sûr, de jolies filles. Témoin de la scène, l'envoyé spécial du journal Le Monde écrit « Lewis et Johnson viennent au jeu comme d'autres iraient au travail. Ils sont pros, tellement pros, que leur mise en spectacle est totale et c'est un régal pour le public. » Pour autant, Carl Lewis n'a pas attendu d'avoir posé le pied en Corée pour exalter ses fans. Voilà plusieurs semaines qu'il multiplie les déclarations choc à la presse. Le sprinteur américain, par exemple, affirme qu'il va réaliser à Séoul le même exploit qu'en 84 lors des JO de Los Angeles, autrement dit, remporter 4 médailles d'or. Autrement dit, j'ai un talent fou. J'obtiendrai l'or pour mon pays, 4 médailles d'or, pour la gloire et pour Dieu. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, je pourrais échouer. Il est impossible que je ne réussisse pas. L'or sur 100 mètres, 200 mètres, au saut en longueur et au relais 4 x 100 mètres, une performance exceptionnelle réalisée une seule fois avant Lewis par un autre sportif américain devenu une légende, un certain Jesse Owens. Et c'était lors des JO de Berlin en 36. Déjà connu pour ses frasques et ses déclarations ébouriffantes, Lewis va plus loin et s'en prend cette fois à son adversaire. Au journaliste, il affirme que Johnson craquera aux 80 mètres, lui promettant une cadence infernale. Du côté du clan Johnson, l'entraîneur lui aussi fait monter la tension. Il affirme que son protégé est là pour l'or, qu'il s'est entraîné pour l'or. car Lewis peut déjà penser à sa reconversion. Il n'y a plus rien à gagner pour lui sur 100 mètres, déclare-t-il. Présent dans le village olympique, l'un des envoyés spéciaux de France Inter, Christian Bidner, confirme que Johnson arrive en Corée avec une préparation exceptionnelle. Il n'a pas vraiment une gueule de romantique, Ben Johnson, avec son crâne presque rasé, son cou de taureau et son air d'être fâché avec la terre entière, même lorsqu'il se retrouve sur la plus haute marche du podium olympique. Non, Ben Johnson, c'est une boule de muscles avec des épaules de déménageur, un torse de fordéal et des cuisses d'haltérophile. Et tout le secret de sa supériorité, c'est sans doute là qu'il faut le chercher, dans son extraordinaire puissance physique. Pas beau à voir courir, ça non, mais terriblement efficace avec sa façon de marteler la piste comme s'il voulait s'y enfoncer jusqu'au genou. Pour ces Jeux de 88, les spécialistes sont vraiment indécis. Les derniers chronos donnent un écart de moins de 10 centièmes de seconde entre les deux champions. Alors, qui de Carl Lewis, surnommé King Carl Lewis, ou de Super Ben Johnson, vint s'imposer sur la piste de Séoul? Et d'ailleurs, d'où vient cette rivalité entre les deux athlètes? Pour le comprendre, il est nécessaire de faire un retour en arrière de quelques années. Premier des deux à inscrire son nom au top du palmarès d'une grande compétition d'athlétisme, l'Américain Carl Lewis, lors de la finale des Mondiaux d'Helsinki en 1983. À tout juste 22 ans, le jeune athlète survole la course et relaie ses adversaires au rang de spectateurs impuissants. C'est là que le public découvre cette foulée allongée et ce style coulé qui donne l'impression que ce coureur flotte sur la piste, qu'il la traverse à la vitesse de l'éclair. Originaire de l'Alabama, Lewis commence la course dès son plus jeune âge. Il est à bonne école, son père et sa mère sont eux-mêmes entraîneurs sportifs. Chacun de ses frères et sœurs pratique une discipline physique avec assiduité et avec pour objectif d'y briller un jour. À l'âge de 17 ans, Carl est repéré par un entraîneur professionnel lors d'un meeting. Après plusieurs années d'efforts et de sacrifices sous la houlette de ce coach intransigeant, Carl Lewis atteint des performances dignes des meilleurs athlètes du circuit. Il court à la fois très vite, moins de 10 secondes et demie au 100 mètres, mais il dispose également d'une incroyable capacité d'impulsion. Il réalise plus de 8,70 m au saut en longueur. Un an après les Mondiaux d'Helsinki, son titre sur 100 mètres, Lewis réalise l'exploit et devient une star. Lors de ses premiers JO à Los Angeles, il remporte donc 4 médailles d'or, dont celle du 100 mètres. La presse internationale l'intronise alors King Carl Lewis. Parmi ceux qui assistent à sa consécration, il y a l'athlète français Bruno Marie Rose. Au micro de France Inter, il confie son admiration. Sa grande force, c'est de se dire qu'il est le plus fort et qu'il arrive à être le plus fort. Bon, il prend pas des très bons départs, une mise en action un peu laborieuse, mais il a une manière de se relâcher telle qui fait que son accélération est vraiment la meilleure qu'on peut trouver actuellement et il arrive à battre les autres. À 20 mètres de la ligne d'arrivée, il a une telle vitesse que vraiment personne ne peut le rattraper. Pour lui, sur son objectif, le 100 mètres est déjà atteint. Maintenant, on reste à voir le 200 mètres. Là, je pense qu'il a encore plus de facilité à gagner. Vraiment, c'est le plus grand champion de tous les temps qu'on ait rencontré à l'heure actuelle. C'est sur ce même podium du 100 mètres, toujours lors des Jeux de Los Angeles en 84, qu'un autre sprinteur fait une entrée fracassante dans le club restreint des hommes les plus rapides du monde. Fantomatique par le passé, le Canadien Ben Johnson, 21 ans, fait parler sa puissance et obtient la médaille de bronze, terminant à tout juste 3 dixièmes de seconde de Lewis. Né en Jamaïque, dans une famille pauvre qui ensuite émigre au Canada, Johnson grandit dans la misère. Et c'est par hasard, à l'âge de 16 ans, qu'il s'initie à la course à pied avec l'un de ses frères. Doté d'une redoutable impulsion, il réalise des départs canons sur les sprints. Des performances qui lui valent d'être repéré à son tour par un entraîneur, un certain Charlie Francis. Il soumet son poulain à un programme de préparation physique rigoureux. Et de garçon frêle d'1,62 m pour 42 kilos, Ben Johnson devient à ses 18 ans un robuste jeune homme d'un peu plus d'1,75 m. Boulet de canon, fusée humaine, il est capable d'avaler les 100 mètres de piste en à peine 10 secondes. Grâce à plusieurs podiums, Johnson obtient sa place dans l'équipe du Canada pour les JO de Los Angeles. Et c'est bien là qu'il se révèle en terminant troisième sur 100 mètres. Ensuite, les bons résultats s'enchaînent. Il remporte l'or sur le 60 mètres au championnat du monde en salle à Paris, puis il bat la surprise générale Carl Lewis, lors d'une compétition à Moscou, avant de prendre la première place du 100 mètres aux Jeux du Commonwealth. Arrivent alors les championnats du monde de 1987 à Rome. Premier véritable affrontement entre le prétendant à la couronne, Johnson, et le roi Lewis. Et c'est bien ici que leur combat change de dimension. En 9 secondes, 83 centièmes, Johnson écrase la concurrence sur la finale de 200 mètres. Il bat au passage le record du monde. Lewis, pourtant à son meilleur niveau, est relégué à la troisième place. Preuve de l'écart, sur la photo finish, le sprinter américain est à plus d'un mètre derrière son adversaire canadien. Dans les vestiaires, après la course, Lewis se montre mauvais perdant. D'après lui, Johnson est une brute de muscles sans style, juste bon à prendre de faux départs. Pire, Lewis insinue que le Canadien ne doit pas cette médaille qu'à son entraînement. Non, il pourrait y avoir autre chose. En réaction, l'entraîneur de Johnson qualifie le sprinter américain cynique. Quand Lewis a gagné l'or à 4 reprises à Los Angeles, explique-t-il, il ne trouvait rien à redire. Mais là, dès qu'il perd, il se met à accuser les autres d'être meilleurs que lui. En tout cas, l'ancien sprinter français Jocelyn Delcourt, lui, est bluffé par les performances de Ben Johnson. Dans mes pronostics, évidemment, suite aux séries que j'avais pu voir à la télévision, il m'avait fait tant impression et j'étais persuadé qu'il gagnerait face à Lewis, mais vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Il a fait une impression époustouflante. Tout d'abord, bon, il a un départ tout à fait exceptionnel, qui paraît même d'ailleurs, a priori comme ça, peu technique, mais d'une efficacité fantastique, parce qu'il est relevé tout de suite. Puis il y a une accélération extraordinaire, il fait le trou à ce moment-là. Et puis après, bon, sa course est parfaite, hein, il a plus rien dit, et on sent qu'il a la puissance, qu'il est tout à fait serein, et qu'il risque pas d'être inquiété. Et on lit sur son visage, alors, ce qui était fantastique, c'est le gros plan du départ, on voit qu'il est tout à fait serein, qu'il est certain qu'il va faire son exploit sans problème. Conscient qu'il tient là une formidable histoire sportive. Un duel au sommet, digne des rivalités Anquetil-Poulidor, Prost-Senna, Borg-McEnroe, Messi-Ronaldo, les médias vont s'enivrer de cette lutte entre les deux champions du sprint. Lewis et Johnson n'ont pas la même origine, pas le même physique, résolument pas le même style de course. Tous les opposent. Dans cette course à la gloire, leurs entraîneurs respectifs font grimper la tension et les sponsors, eux, se frottent les mains. Par ici la bonne affaire. Oh que oui, entre les marques d'électronique high-tech japonaises, les noms de boissons gazeuses américaines, les griffes de vêtements de sport, horlogers de luxe ou voitures de sport, les Lewis et Johnson sont devenus de véritables pancartes publicitaires. Alors, quand leurs photos se retrouvent placardées en une des magazines, ou leur dossard apparaît en gros plan à la télé suite à une victoire, leurs sponsors signent des chèques de plus en plus gros. Si le Canadien et l'Américain entretiennent un véritable antagonisme sur la piste, ils se ressemblent hors des stades. Oui, ils sont tous les deux des gestionnaires de fortune, les leurs. Preuve en mai, le 17 août 88 à Zurich, un mois tout juste avant les JO de Séoul, nos deux stars du sprint se présentent en finale d'un 100 mètres. Pour une course sans enjeu, autre que celle liée à l'argent. Chacun des deux hommes et leurs avocats, en effet, ont monnayé leur présence contre 250 000 dollars de gains, quel que soit leur résultat. Et en échange, ils doivent vendre au public suisse et aux téléspectateurs 10 secondes de rêve. Au terme d'une course sans panache, c'était plus ou moins prévu, c'est cette fois Lewis qui l'emporte devant Johnson, mais qui prend tout de même un ascendant psychologique sur son adversaire. C'est important, car nous sommes à un mois du rendez-vous tant attendu, les JO de Séoul. Dre Day, nigga, AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get still. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh, wait. Put it in the air, air. Boy, use a fool, DR. Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est 13h20. Affaires sensibles, Fabrice Drouet. Les Jeux Olympiques, c'est oui, en direct. Cette fois, ça y est, l'amour, toujours l'amour. 4 ans après son titre olympique de Los Angeles, il offre à la France la première médaille d'or de ces Jeux de Séoul. Mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire olympique pour la compétition individuelle de sabre homme. Médaille d'or, the gold medalist, an Olympic champion, Jean-François Lamour of France. Cette 7e journée de compétition a marqué également les débuts des épreuves d'athlétisme. Une journée essentiellement marquée, Christian Milner, par l'entrée en lice de 2 monstres sacrés du sprint. Enfin, on les a vus tous les deux et s'il faut donner une impression, on peut annoncer ce soir avantage Carl Lewis. Déjà parce qu'il a réalisé le meilleur temps, 9 secondes 99 centièmes, apparemment sans effort. Ensuite, parce que ce bulldog de Ben Johnson, qui semble mordre et dévorer la piste à chaque foulée, Johnson s'est donné une fameuse frayeur. Départ canon, comme d'habitude, en quart de finale. À 20 mètres de la ligne d'arrivée, il a course largement gagnée. Il se relève et il se fait passer Johnson sur le fil par 2 adversaires qui ne sont pas n'importe qui, Christy le Britannique et Mitchell l'Américain. Gag, il fallait terminer dans les 2 premiers pour aller en demi-finale. Heureusement pour lui, Ben Johnson est passé, au bénéfice du temps, le meilleur temps des battus. Samedi 24 septembre 1988, il est un peu plus de 13h15 à Séoul, 5h15 à Paris. La compétition olympique bat son plein. Au grand stade, 55 000 spectateurs passionnés ont l'œil rivé sur la ligne droite du 100 mètres et ses 8 couloirs, dont les traits blancs résument toutes les sensations, toutes les émotions des Jeux. La vitesse, la force, la victoire, la défaite, la joie, la déception, la gloire ou l'oubli. Aujourd'hui, c'est donc la finale de l'épreuve reine de l'athlétisme, le 100 mètres. Les meilleurs sprinteurs mondiaux sont là, le Britannique Christie, les Américains Smith et Mitchell, le Canadien Williams, le Jamaïcain Stewart, le Brésilien Da Silva et, au couloir 3 et 6, les 2 grands favoris, l'Américain Carl Lewis et le Canadien Ben Johnson. Premier constat, il est difficile de les distinguer vu des gradins. Les deux sprinteurs sont tous les deux vêtus d'un maillot sans manches et d'un short rouge. Seules les bandes blanches au niveau des épaules de Lewis permettent de l'identifier ou bien de le confondre avec ses deux compatriotes. À quelques minutes du départ de la course, il règne sur la piste de Séoul une très grande tension. Les regards des deux grands champions se fuient, se croisent ou se défient. Superstitieux, Johnson règle et re-règle ses starting blocks. Lewis, en grand professionnel, s'évertue à ne rien laisser paraître de son trac. Seule inaccolade avec sa sœur, assise à proximité dans le public, traduit chez lui la solennité du moment. La veille, lors des quarts de finale, Johnson a fait mauvaise impression, incapable de rivaliser avec ses adversaires. Contrairement à Lewis, qui, comme d'habitude, a survolé les débats. Ce matin, le Canadien a tout de même montré un meilleur visage en remportant sa demi-finale, mais tous les pronostiqueurs le donnent perdant. Il est 13h30. Le juge de ligne lance le premier appel. Les sprinteurs s'installent dans leur starting block. Les spectateurs se redressent et observent la ligne de départ. Assis dans la tribune de presse, le journaliste Christian Binaire s'apprête à commenter la course. En direct sur France Inter, voici donc le compte-rendu de 10 secondes de duel pour l'or olympique. Voilà, c'est parti, le départ irrégulier, départ en trombe de Ben Johnson qui est en tête pour l'instant. À mi-parcours, il a 2 mètres d'avance, car Lewis est battu. Champion olympique Ben Johnson, 9 secondes, 79 centièmes, c'est le record du monde. C'est le record du monde, il est battu, il a remporté cette course, il a mené de bout en bout Ben Johnson. Il avait fantastiquement caché son jeu. C'est bien le meilleur sprinter du monde, c'est bien le meilleur sprinter de tous les temps. Au terme de 9 secondes et 79 centièmes de sprint, le Canadien Ben Johnson est donc le premier à franchir la ligne d'arrivée. Sur les images, au ralenti, on le voit lancer un rapide coup d'œil à sa gauche pour s'assurer que Carl Lewis est derrière, avant de lancer le poing au ciel en signe de victoire. Toujours sur les images rediffusées par la télé, on voit ensuite en gros plan le visage de l'Américain. Sur les 5 derniers mètres, il fixe Johnson du regard et laisse échapper une grimace de déception au moment où son adversaire passe la ligne. Déception, le mot est bien faible, non anéanti. Lewis tente alors d'enlacer son adversaire pour le féliciter, pense-t-on sur le moment. En réalité, on l'apprendra plus tard, Lewis veut questionner Johnson. Car les temps du tableau d'affichage indiquent que les deux hommes ont battu le record du monde. Alors, comment est-il possible qu'il soit derrière à plus d'un mètre de Johnson sur la photo finish? Comment se fait-il qu'il n'ait pas pu rivaliser? Une chose est certaine, cette finale est la plus rapide de l'histoire des Jeux avec 4 coureurs sous la barre des 10 secondes. Le jour même, les médias presse du monde entier titrent sur l'exploit de Johnson et la photo du sprinter canadien s'affichant une. Pour 9 secondes et 79 centièmes, il entre dans la légende. Et pour les journalistes, c'est clair, c'est lui la star des Jeux. Qui peut alors imaginer, sinon personne, que moins de 3 jours plus tard, le scandale va éclater comme un orage sur Séoul, quand le héros devient escroc. Je vous l'annonçais en début de ce journal, une information qui va faire l'effet d'une bombe dans le milieu sportif, dans le milieu de l'athlétisme. En effet, le sprinteur canadien Ben Johnson, superbe vainqueur du 100 mètres samedi dernier, aurait été contrôlé positif. Dans la nuit du 25 au 26 septembre 88, à Séoul, les téléphones se mettent à sonner partout dans le village olympique. Au bout du fil, des journalistes débitent un flot ininterrompu de questions. Une heure plus tôt, en effet, l'agence France Presse, sur la base d'informations obtenues auprès du responsable du laboratoire de contrôle antidopage, du CIO, vient d'annoncer que l'un des médaillés de l'épreuve du 100 mètres a été contrôlé positif aux anabolisants. Dopé, quoi. Il faut attendre le lendemain matin pour que les dirigeants du CIO convoquent la presse en catastrophe. Toute la nuit, les rumeurs et les insinuations circulaient dans le village olympique. Regards et soupçons se sont portés vers l'équipe canadienne d'athlétisme. Des indices, peut-être. À 10h, devant plusieurs centaines de journalistes et des dizaines de caméras réunies dans la salle de conférence d'un grand hôtel, la porte-parole du CIO, Michel Verdier, donne le nom de l'athlète mis en cause. The urine sample of Ben Johnson, les Canada. Échantillons d'urine de Ben Johnson, athletics, Canada, athlète du 100 mètres, collectés le samedi 24 septembre 1988, contenaient une substance métabolique interdite, le stanozolol. It's an anabolic steroid. Un stéroïde anabolique. The IOC Medical Commission, la commission médicale du CIO recommande les sanctions suivantes. La disqualification de cet athlète des 24e JO d'été, ici même à Séoul. Dans le village olympique, c'est le choc. Certes, les rumeurs couraient déjà depuis longtemps autour de Ben Johnson, que certains d'ailleurs surnommaient « Benoïde », en référence à sa masse musculaire surdéveloppée. N'empêche que l'annonce officielle tombe comme un coup près. Le comité d'organisation de Séoul pensait avoir tout prévu et avoir remédié à tout pour faire de ces jeux le symbole de la paix et du partage. Plan de lutte contre le danger terroriste, submersion par les eaux et même contre une épidémie de sida. Mais personne, écrit l'envoyé spécial du journal Le Monde, non, personne n'avait imaginé que le champion de l'épreuve, la plus regardée des jeux, se doperait comme un vulgaire haltérophile bigard. Gagner à n'importe quel prix, pour la gloire ou pour l'argent, voire pour les deux, voilà de quoi est coupable le sprinteur canadien, car les preuves sont là. Deux tubes à essai d'échantillons d'urine prouvent que le Canadien a pris du stanozolol, une substance considérée comme dopante et donc formellement interdite. Pourtant, Ben Johnson savait qu'il enfreignait toutes les règles éthiques et sportives. De son côté, la délégation canadienne ne sait pas trop sur quel pied danser. Prendre trop ouvertement fait et cause pour Johnson risque de discréditer tous ses athlètes venus à Séoul. D'un autre côté, les Canadiens sont bien obligés de reconnaître les lacunes de leur système de prévention et de contrôle du dopage. Joint au téléphone par France Inter, le journaliste canadien Christian Tétrault témoigne des répercussions de cette affaire. Tous les journaux parlent de tragédie, parlent de drame, de honte nationale également. Vous savez, Ben Johnson avait quand même, depuis les championnats mondiaux à Rome en 87, était devenu le plus grand héros de l'histoire du sport au Canada ici, dépassant même quelques joueurs de hockey. On sait que le hockey ici à Montréal et au Canada en général est extrêmement populaire. Il avait damé le pion, ni plus ni moins, à tous les autres athlètes, qu'ils soient ou non professionnels. Et du jour au lendemain, celui qui nous avait transportés si haut est tombé dans le précipice finalement. Et puis on a l'impression de s'y être engouffré ce matin. Vous avez des exemples de titres, par exemple, de la presse? Je vais vous en donner. Le roi du stade, déchu, sa carrière est finie pour avoir pris des stéroïdes anabolisants. Voilà comment titre un des journaux, enfin le plus populaire ici à Montréal. C'est exclusivement de ça qu'on parle à la radio, à la télévision, dans les journaux, partout. C'est le deuil. Aéroport de Séoul, le lendemain midi. Ben Johnson était arrivé en Corée comme une rockstar. Il en repart comme un malpropre, un paria. Seule similitude entre les deux scènes, l'impressionnante cohue dans le grand hall de l'aérogare. Escorté par des dizaines de policiers et gardes du corps, harcelé par les caméras et les micros, le sprinteur canadien, devenu un escroc en cavale, s'engouffre dans l'avion qui le ramène en Amérique du Nord. Sorti de la misère grâce à la course à pied, il va désormais devoir se battre pour qu'elle ne la rattrape pas, la misère. Car une grande partie de ses sponsors ont déjà annoncé vouloir résilier tous les contrats signés avec lui. De retour à Toronto, Ben Johnson tente de laver son honneur face à la foule venue nombreuse pour l'accueillir. Je voulais juste vous dire que je n'ai jamais fait le genre de choses dont il m'accuse. Après une pause de 2 ans, je serai capable de revenir au jeu. Et j'espère que lorsque je reviendrai au jeu, il n'y aura plus de rumeurs contre moi. Et je ferai la meilleure course de ma vie avec le meilleur temps et que je battrai le record. Johnson est déclassé, car Lewis récupère l'or olympique dans l'indifférence quasi générale. Mais le vent du scandale n'a pas fini de souffler à Séoul. Quatre jours plus tard, en effet, on apprend que le Britannique Linford Christie, arrivé troisième du 100 mètres, est contrôlé positif à une substance interdite, à la pseudoéphrédine en l'occurrence. Le jury du CIO va finalement le disculper malgré l'explication surprenante de l'anglais. Il aurait pris un complément alimentaire à base de ginseng. Pour autant, ces deux affaires ne refroidissent pas tout le monde. Dans les mois qui suivent, un promoteur de boxe américain annonce qu'il a l'intention d'organiser un 100 mètres entre Carl Lewis et Ben Johnson à Barcelone, site des prochains Jeux d'été. Ce sera le 25 septembre 1990, soit deux jours après la fin de la suspension du Canadien. L'organisation de cette revanche reviendrait à plus de 3 millions de dollars. Un an plus tard, au mois de juin 89, convoqué par la commission d'enquête de la Fédération canadienne, Ben Johnson reconnaît avoir pris des produits interdits lors de sa préparation pour les JO. Mais il persiste dans ses dénégations sur l'usage du stanozolol, un produit qui, selon lui, avait montré qu'il n'était pas pratique car il rendait les muscles raides. Autrement dit, pourquoi en aurais-je pris ? Alors que Carl Lewis poursuit une fin de carrière en demi-teinte jusqu'au JO d'Atlanta en 96, Johnson lui disparaît des écrans radars pendant 4 ans avant de tenter un retour. Il est une nouvelle fois contrôlé positif en 93 aux substances interdites, ce qui lui vaut d'être banni à vie des compétitions internationales. Il faudra attendre l'année 2018 pour que l'affaire Johnson rebondisse. Ayant pu se procurer le rapport officiel rédigé par le laboratoire antidopage, la journaliste canadienne Mary Armsby découvre un grand nombre d'irrégularités dans l'examen subi par Johnson. En particulier, des codes d'identification modifiés, des annotations manuelles. Des éléments qui auraient pu conduire la délégation canadienne à obtenir un vice de forme. À cela s'ajoutent aussi trois autres faits surprenants d'abord. Le nom du stéroïde détecté dans le premier échantillon de Johnson, l'oxandrolone, a été modifié manuellement sur le rapport final pour devenir le stanozolol. Ensuite, comment expliquer qu'au moment du contrôle, un ami de Carl Lewis était présent dans la salle d'examen? Enfin, les documents du CIO révèlent également que 8 athlètes américains ont été contrôlés positifs avant les Jeux de Séoul, mais n'ont pas été sanctionnés. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, avec le recul, personne ne conteste que sur le plan purement sportif, la suspension de Ben Johnson était légitime, tant le sprinteur a usé et abusé de stéroïdes tout au long de sa carrière. Sur le plan moral, disons qu'il n'a pas été épargné, jeté en pâture sur la place publique quand certains de ses adversaires, dopés eux aussi, ont continué leur carrière sans être inquiétés. En sport, comme ailleurs, ça s'appelle faire un exemple. Et pour ça, on frappe fort, on frappe haut dans l'élite. Vous écoutez Affaires Sensibles, vous êtes donc sur France Inter. L'histoire d'aujourd'hui, c'est Lewis contre Johnson, dont nous allons parler maintenant avec notre invité direction Périgueux dans les studios de France Bleu Périgord, avec Bernard Faure. Bonjour. Bonjour. Champion de France des marathons en 82, vous êtes devenu par la suite entraîneur et préparateur physique. Vous avez été également pendant 27 ans l'une des voix de l'athlétisme sur France Télévisions. Dites-moi, est-ce que c'était le premier très grand duel dans l'histoire de l'athlétisme, ce Lewis et Johnson, ou est-ce qu'on a eu droit avant à d'autres duels mythiques comme ça? Je pense que de tout temps, il y a eu des duels mythiques. Je pense que surtout, c'était l'ère, je dirais, de la star business. C'était une médiatisation qui allait crescendo, donc je pense qu'il y a eu un écho, je dirais, immense. En plus, tous deux participaient de deux archétypes. C'était l'histoire de la gazelle et du taureau. Donc on allait très très loin, je dirais, dans l'exploitation de ce duel. Oui, on avait vu ça aussi dans l'exploitation des traits de caractère sportif de deux champions avec en tennis par exemple avec Borg et McEnroe, et les journalistes s'amusaient, et tant mieux d'ailleurs, à dire celui-là il a un jeu de foot en cours, l'autre il monte à la volée, c'est des styles totalement différents. C'était l'opposition de style qui était excitante. Pareil pour Lewis Johnson. Oui, je pense que cela, ce que vous évoquez participe effectivement de cette, je dirais, surdimension en fait. Mais c'est vrai que au-delà, je dirais, de ces alentours, il y avait une vérité aussi, c'est que athlétiquement parlant, c'était magique de les regarder, quoi. C'était deux archétypes, c'était deux morphotypes fondamentalement différents, mais tous deux terriblement efficaces et tous deux terriblement beaux pour cette discipline. Cette discipline, quand même, qu'il faut le dire, et celle qui est en plus hyper médiatisé, c'est la discipline reine des Jeux Olympiques. Et oui, alors Johnson la brute, Lewis le guépard, par exemple, ça c'est deux exemples qu'on pouvait donner. Ouais. Au-delà de ça, expliquez-nous, alors d'un point de vue plus technique, plus sportif, ce qui les différencie vraiment, ces deux-là, dans leur style, leur façon, on l'a dit un peu dans le récit, mais je ne suis pas un spécialiste de l'athlétisme, donc je préfère vous laisser la parole sur ce point. Alors je vais vous aider. Non, simplement à Louis, Carl Lewis c'était grand, à peu près 1m90, un style, je dirais, génétiquement naturel assez extraordinaire, le genou qui pointait très très haut lors de l'attaque de la foulée, un corps superbe, un port altier, enfin bref, il y avait beaucoup de choses, et une grande amplitude de foulée. C'était très très beau, c'est très esthétique. Concernant Ben Johnson, c'était une énorme puissance. Donc, au départ, c'était un coureur de 60 mètres parce qu'il ne tenait pas la distance du 100 mètres. Vous savez, la vitesse maximum, on ne peut la tenir que 6 secondes et non pas 10 secondes. Sur la fin, les sprinteurs, ils décélèrent légèrement. On croit que un accélère par rapport aux autres. En fait, il décélère moins. C'est simplement à l'œil nu, on ne peut pas le voir. Mais en fait, il n'accélère pas. Il maintient plus ou moins la vitesse acquise. Et concernant Ben Johnson, c'était donc une grande puissance, mais indépendamment de cet aspect petit taureau, il était plus petit, 1m75, il avait aussi une extraordinaire vélocité. Et la grande énigme était comment peut-il maintenir cette fréquence de foulée sur cette distance. C'était ça surtout la grande énigme qu'il y avait lorsqu'on le regardait. Alors, on va écouter une première archive ensemble. On va entendre la sprinteuse française que vous connaissez bien, j'imagine Marie-Josée Pérec, pour la chaîne L'Équipe.fr. Elle est revenue sur les grands moments de sa carrière et les grands moments qu'elle a vécu, les grandes rencontres, et parmi elles, évidemment, Carl Lewis. Sur la piste d'échauffement, en fait, je suis assise sur un banc et il y a Lewis qui vient s'asseoir là. Et moi, je tourne la tête et tout. Et je dis, oh là là, il est assis à côté de moi. Ah, oh, il est assis à côté de moi. Et tu sais, t'es tétanisé parce que c'est la personne que t'admires, quoi. Et puis, tu veux même pas essayer de lui dire quelque chose parce que t'es... Voilà, c'est l'idole. C'est Dieu, quoi. Ouais. C'est Dieu. Ah bah, carrément. Expliquez-nous la fascination qu'exerce Carl Lewis sur les autres athlètes, oui, les sprinteurs, et même les coureurs de fond, d'ailleurs. Ouais. Ben, vous savez, il a eu 4 médailles d'or aux Jeux de Los Angeles. Vous parliez de Jesse Owens, c'est les seuls deux qui ont réalisé ça. Donc, effectivement, c'est assez rarissime. Ensuite, il dominait tout, il gagnait tout. Donc, il a eu une période de domination assez extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine fascination concernant Marie-Josée Pérec. Je pense qu'il a bercé son adolescence athlétique. Marie-Josée Pérec, on l'a connue surtout par son premier titre européen, c'était en 91, je pense, avant qu'elle soit championne olympique en 92. Car Lewis, c'était un petit peu avant, donc 83, 84, donc je dirais qu'il l'a bercé, il a fait aussi rêver Marie-Josée Pérec. Donc en fait, il n'y a rien d'anormal, on a tous nos modèles, hein, et les plus grands champions ont aussi leur modèle, c'est ce que vous décrit Marie-Josée Pérec. Alors pour les performances sportives, donc effectivement, vous avez raison de le rappeler, elles sont évidentes, mais est-ce que la personnalité a joué aussi sur la fascination, la façon d'être, de se comporter, c'est important pour un sportif qui est médiatisé? Oui, alors je vous dirais, là aussi il y avait des caractéristiques très différentes entre les deux protagonistes, c'est-à-dire que Carl Lewis, il parlait beaucoup, hein, il aimait les déclarations choc, un petit peu comme les boxeurs américains d'ailleurs, enfin boxeurs pas forcément qu'américains, mais enfin ça fait partie du show aussi, hein. Ben Johnson était un petit peu plus renfrogné, parlait moins, distillait ses paroles, donc c'était un petit peu différent. Carl Lewis avait une médiatisation et une envie, je dirais, d'être reconnu au-delà même de la course à pied. N'oubliez pas qu'après, il a même essayé la chanson. Il est même venu dans une émission chez Michel Drucker avec des paillettes pour essayer un petit peu de disco. Là, c'était la carrière terminée, bien sûr. Hein. Donc, ça veut dire qu'il avait des envies d'exister face au monde qui étaient fondamentalement différentes de celles de Johnson. Il était admiré dans le monde entier. L'était-il autant aux États-Unis, qui sont assez gâtés côté sportif, ils en ont tellement. Alors, l'athlétisme n'est pas un sport roi aux États-Unis. Les Américains découvrent l'athlétisme à l'occasion des Jeux Olympiques. Le reste du temps, ce n'est absolument pas un sport populaire. Alors, c'est parce qu'il a gagné qu'il a été connu et vénéré. Mais je vais vous dire, et ça, quand il arrivait à l'aéroport aux États-Unis, ça ne déchaînait pas les foules comme en Europe. Hein. Lorsqu'il venait en Europe, il demandait. Il avait ses exigences. Hein, lorsqu'il venait, dans le reportage, j'en entends parler du meeting de Zurich et de 250 000 dollars. À l'époque, c'était énorme. Pour les deux d'ailleurs, hein, parce qu'en fait c'est le duel qui intéressait, mais lorsqu'il avait ses exigences, la suite, la limousine, je dirais pas qu'arriver aux États-Unis, il repartait à vélo à son domicile, mais enfin il y avait rien de comparable. Bref, il y avait pas une attitude, je dirais pas que c'est limite schizophrénie, mais enfin il y avait deux personnages, celui qui existait hors États-Unis et celui qui était aux États-Unis. Je sais pas comment il arrivait à faire la synthèse, je pense qu'il devait bien se marier avec tout ça, peut-être, j'en sais rien. Il faudrait peut-être lui demander maintenant pour savoir quel regard il peut avoir sur cette époque. Vous l'avez interviewé, vous ? Vous connaissez ? Non. Quand j'ai commencé à France Télévisions, en fait, quoique non, à Tokyo j'aurais pu, mais enfin, j'étais pas. C'est Nelson Montfort qui faisait les interviews, puisqu'il a perduré jusqu'à Tokyo avec le fameux concours du son en longueur là. Et là, je commençais juste, en fait, et donc je n'ai pas eu à l'interviewer. Ah bon, bah pas de chance. Non, pas de chance. Mais par contre, j'ai vu des collègues, donc l'interview, et, voilà. Bien, on va l'écouter, Carl Lewis, puisqu'on en parle. Hein. Nous sommes là, en 2016, je viens à Paris. Envoyé par l'un de ses sponsors pour je ne sais quelle opération, c'est pas le principal. Écoutez ce qu'il dit quand il répond aux questions du journaliste du quotidien L'Équipe. Je ne pense pas avoir jamais été connecté à mon sport parce que ce n'était pas mon intention. Mon intention était de développer mon sport, de le rendre meilleur. Seules les relations d'amitié étaient importantes pour moi. L'athlète, c'était mon boulot, mon business. Quand j'en ai parlé le premier, c'était encore un monde très amateur. Beaucoup de gens avaient un mouvement de recul. Ils me disaient, on court pour l'amour du sport, l'amour de son pays. Vous avez raison. L'amour du sport, l'amour de son pays et l'amour de mon boulot. Quand j'ai pris ma retraite, les gens ont compris ça. Vous devez avoir la passion de tout ça. Oui, enfin ça renvoie quand même à ce que vous disiez tout à l'heure, Bernard Faure. Nous entrons là de plein pied dans le sport business, hein, le sport fric. C'est à ce moment-là que ça se joue et que ça a changé finalement la philosophie du sport. Ouais, disons que ça a accentué, d'ailleurs, les Américains, ils parlent toujours de faire le job. Bon, on pourrait aussi dire faire la passion, parce que je ne connais pas d'athlète qui au départ ne fasse pas par passion, et elle continue toujours. Après, elle est occultée par d'autres valeurs qui arrivent par-dessus ou à côté, qui peuvent envahir la personne d'ailleurs. Mais au début, c'est toujours par passion que l'on fait. On ne sait pas si on va être un champion quand même, hein. Alors, on va, je vais vous poser une question un peu fictive, parce que dans cette histoire du duel Lewis-Johnson, on l'a vu, le dopage tient une place importante. Le scandale de Séoul est encore aujourd'hui dans les mémoires. Johnson en a payé le prix fort, mais pour autant, le dopage n'a peut-être pas tout fait. C'était quand même un immense athlète. Aurait-il pu battre Lewis sans se doper? Alors, je sais qu'on ne peut pas répondre à cette question, mais on peut au moins émettre des hypothèses. Je vais vous dire, pour essayer d'y répondre, un sentiment personnel serait non. Vous savez, après sa suspension, il est revenu, Ben Johnson. Hein, il n'était pas du tout dans les temps qui étaient ceux d'avant. Pour la petite histoire, il avait même trouvé un sponsor. Je pense que c'était une marque de produits énergétiques naturels, une marque scandinave. Et puis, les plantes n'ont pas suffi, parce que je me souviens qu'on le voyait quand même au fil des compétitions reprendre du muscle, et puis il a été recontrôlé positif. Donc je pense qu'il ne l'aurait pas battu. Maintenant, vous savez, je pense qu'il y a eu aussi un contrôle de Carl Lewis, alors pas sur des anabolisants, je pense que c'était sur de l'éphédrine. Vous en avez parlé tout à l'heure, un certain nombre d'athlètes américains dont on avait occulté le contrôle. La rumeur peut-être court qu'il y aurait eu un contrôle à l'éphédrine avant. Mais enfin, l'éphédrine n'a certainement pas les mêmes effets que les anabolisants. Mais non, allez savoir tout ce qu'ils prennent, on peut pas savoir. Hein. Alors, la question du dopage, justement, est omniprésente et sous-jacente dans le sport de haut niveau. Où en est-on aujourd'hui? Et le CIO est-il en mesure de lutter efficacement contre les athlètes qui prennent des substances interdites? Alors, je vais vous dire une chose, le CIO vous dira toujours que oui, sinon ils remettent en cause leur existence même, les gens qui vont vous dire oui remettraient en cause aussi leur métier. C'est très dur de savoir. Quand on parle de dopage, cela dépend des disciplines. Si c'est de la force, si c'est de l'endurance, ça sera le PO ou des oxygénateurs sanguins, ça sera des anabolisants sur le reste. Vous savez, actuellement, si on va par exemple sur les oxygénateurs sanguins, donc dans le fond, le grand fond, etc., avec les microdoses, la fenêtre de détection n'était même pas de 48 heures. Donc les athlètes vont se planquer quelque part. Alors il faut les identifier, savoir où ils sont, leur lieu de résidence, donc ils doivent le donner bien sûr quand ils font partie du panel, des gens qui sont dans le suivi. Il suffit qu'ils n'y soient pas, c'est un no-show, au bout du troisième vous êtes assimilé à un contrôle positif. Je pense que le dopage encore de beaux jours devant lui, quoi, voilà. Donc ça me paraît, je pense que le problème est largement ailleurs. Je pense que le sport ne peut pas s'extraire de la société. On veut des gens de plus en plus compétitifs, quel qu'en soit le prix, hein, exalter une entreprise qui prend tous les parts de marché, qui est la première, etc., qui affiche sa croissance, etc. On compte les médailles comme on compte le bilan d'une entreprise. Alors la comptabilité des médailles pour un pays, c'est d'une tristesse infinie. Ce ne sont que des histoires personnelles, des histoires de cœur, de passion, etc., qui sont aux origines de toutes ces médailles. Donc je pense qu'il y a une exploitation qui ne peut pas, je dirais, être séparé du dopage. On peut pas séparer le dopage de tout l'encensement, de tout l'engouement qu'il y a envers ces champions. Bon, alors on va terminer par une considération là tout à fait sportive et uniquement sportive. Owens, Lewis, 4 médailles, donc oui, c'est les plus grands de l'histoire, j'imagine. Johnson, il peut pas parce que il y a eu cette histoire de dopage. Moi, je pense à Usain Bolt, hein, qui est la référence du 100 mètres sur ces dernières années. Quel point commun avec Lewis? Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau dans l'histoire de ce sport? Alors, je pense Jesse Owens, il y a eu le contexte Berlin. Oui, il est connu pour autre chose aussi, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais parlons de ses performances. Ensuite, voilà, le duel, ensuite il n'y avait pas forcément de duel avec avec Jesse Owens. Ensuite, Carl Lewis a été aussi 4 médailles d'or, donc c'était très très emblématique, Los Angeles. En plus, après il y a eu le duel, il y avait un esthétisme très très rare aussi, c'est la beauté absolue qui courait. Concernant Usain Bolt, c'est inoubliable ce qu'il fait, c'est plusieurs fois des titres olympiques ou de championnat du monde. C'est un apparent, je dis bien un apparent apparent détachement aussi qui l'a rendu célèbre. Et on va terminer là-dessus. C'est aussi, oui. Je dirais, l'alliage d'une force, d'une puissance. C'est un petit, il a fait le mix entre la force et je dirais la vélocité, la puissance, la technique. Voilà. Une sorte d'idéal. Il a un petit peu de Lewis, il a un petit peu de Johnson, il a un petit peu tout. Mais c'est contre, un duel. Voilà. Écoutez, c'est le mot de la fin. Pardon de vous bousculer, de vous faire sprinter, si j'ose dire. En tout cas, merci infiniment pour vos éclairages et votre connaissance de cette discipline olympique. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Lewis Johnson, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Roland Maillet qui était à la technique aujourd'hui. À suivre pop sur France Inter avec Antoine Decaune. Bonjour Antoine, au programme. Bonjour Fabrice, au programme Alexis Michalik, l'auteur à succès qui publie son premier roman intitulé Le Loin. À tout à l'heure, merci Antoine.